can't stop because we don't stop. Stop. Yeah. Yeah. Qui te ken, merde, dis-moi qui te ken. Dans ton school, vous êtes toutes MDR. J'ai trop le level, G.A.S c'est mon label. Tu prends du white label, c'est normal, tu n'es pas net. Dis-leur la vérité, sinon je vais te sell. Espèce de taspé, Bozabana. Espèce de Mickey, casse-toi, me parle pas, me bloque pas, vas-y dégage. Connasse, pétasse, salope, je vais te casser. Calez-vous, vroom, vroom, c'est entre nous. T'inquiète pas bébé, je suis dans le game. Je suis dans le game, dans le je game. Suis dans le game. Leri, s'il te plaît, dis-moi qui te ken. Dis-moi qui te ken. Dis-moi qui te ken, Bioli, yeah. Leri, s'il te plaît, dis-moi qui te ken. Dis-moi qui te ken. Dis-moi qui te ken, Bioli, yeah. Ta sœur est une dans ta touze et la DG. Elle désire la lune, dont je verse une nuit étoilée. Papa, pas besoin d'un billet pour la faire décoller, car je la fais tout en planer comme son putain de côté, yeah. Never I go let go, ni go let go, let's go. Normal qu'elle te serre le lait au lieu du café, car tôt le matin c'est lui le tout premier à se lever. Pour te donner des bords à te lessiver. Colomba, je tiens le bout et on danse bella. Et que je freine au bout pour un acapella. Donc je bouzilla, bouzilla, je te bouzilla, bouzilla. Ta kindela, kindela. Donc je bouzilla, bouzilla, je te bouzilla. Bouzilla, ta kindela, kindela. Leri, s'il te plaît, dis-moi qui te ken. Dis-moi qui te ken. Dis-moi qui te ken, Bioli, yeah. Leri, s'il te plaît, dis-moi qui te ken. Dis-moi qui te ken. Dis-moi qui te ken, Bioli, yeah. T'aspect, tu me parles, mais ta chatte me dit autre chose. Quoi? Tu veux que je te ken? T'inquiète, t'auras ta dose. J.A.S, on est des pros, tu peux si c'est t'éloigne pas trop. Ta mère est pas bonne, mais moi je l'aime quand même. Double M, a.k.a. M.A.M, mon petit gant. Ta meuf m'attend les jambes écartées, moi je viens la baiser. Dans ce game, je suis la bombe à retard de mon, je te saute à tout moment. Booty, Louis, T.L, B.D. On tombe, on sort, c'est reparti. Yaka yaka bébé, viens sucer ma grosse queue. T.L, B.D, la tête, les M.C demeure la queue. Même si t'as les cuisses écartées, je vais jamais te zébé. Zébé, c'est mon métier, je suis doué. Dis-moi qui te lobe ça, zébé zébé, tu aimes ça. T'as une crampe la techa. Tes lèvres se contractent, ma bite Al-Qaïda, moi je veux le contact. Leri, s'il te plaît, dis-moi qui te ken. Dis-moi qui te ken. Dis-moi qui te ken, Bioli, yeah. Leri, s'il te plaît, dis-moi qui te ken. Dis-moi qui te ken. Dis-moi qui te ken, Bioli, yeah.